est si difficile. Il ne tient qu'à un fil. Pourquoi ne pas y croire? Tout bas, ton corps contre le mien. À 1 heure du matin, pourquoi ne plus y croire? Dis-moi que je te quitte ou que je t'aime, que je prenne la meuse faute de sel contre l'expression sentimentale, que je pète un quêtement doux, que je me change un kangourou. Mais non, c'est ton silence qui me fait mal. À 100 000 lieues de moi, je voudrais partir vivre avec toi. Que je te quitte ou que je t'aime, que je prenne la meuse faute de sel contre l'expression sentimentale, que je pète un quêtement doux, que je me change. Mais non, c'est ton silence qui me fait mal. Tu m'abandonnes, tu m'oublies sur mon île. Et je te pardonne et je prie pour toi. Je te pardonne et je prie.